France Impro, ça donne chaud. Bonjour, bienvenue, vous êtes sur France Impro, on est sur Éphémère. Et on est pas mal sur le plateau aujourd'hui, on va se dire bonjour juste avant on vous passe un morceau, ça dure 3 minutes, on vous explique juste après pourquoi. C'est Jean-Pierre Vivant à la batterie et Marc Desmoreaux au synthé. Voilà, 3 minutes, pile. Et ben voilà, ben bonjour à tous. On est aujourd'hui avec Laure Muller-Feugas. Salut Laure. Salut. Avec Claire Ledru. Salut Claire. Salut. Alice Moulis. Bonjour. Bonjour. Sarah Bro. Bonjour. Et voilà, et à la technique aujourd'hui, Jean-Michel et Dominique. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut les gars. Et ben voilà, on s'est dit depuis un petit temps qu'on voulait faire une émission qui serait consacrée à la rallonge. Alors la rallonge, ça vous évoque peut-être quelque chose, peut-être pas grand-chose. Alors voilà, pour en parler rapidement, la rallonge, c'est une expérience qu'on mène depuis 3 ans maintenant. On est une petite équipe à travailler là-dessus. Et l'idée, ce serait de faire discuter des médias entre eux. On a commencé avec des films et de la musique. Alors l'idée, on est proche d'un format cadavre exquis. On a commencé par faire un film de 3 minutes. Donc Noémie Rocher de Perpignan qui nous a pondu son film. Et alors du coup, on a invité 2 musiciens à jouer de la musique en direct sur son film. On a enchaîné. Cette musique, on l'a envoyée à un autre réalisateur qui nous a fait un film sur cette musique-là. Et ainsi de suite. Et voilà, on en est arrivé à la 21e session et on s'est dit qu'on allait fêter ça. Et donc voilà, l'occasion aujourd'hui de vous présenter à des gens et des acteurs du projet. Et voilà, moi j'avais envie de commencer avec toi, Laure. D'accord. Voilà. Et alors du coup, peut-être on peut parler déjà peut-être un peu de toi, un peu de ce que tu fais. Donc toi, tu es réalisatrice, tu as réalisé un film pour La Rallonge. C'est ça, le dixième. Le dixième film, voilà. Et donc je sais pas, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu déjà juste de ton parcours, un peu ce que tu fais et... Oh là là. Deux, trois petits mots. Alors le parcours super alambiqué, mais toujours empreint de musique et d'image. Mm-hmm. À la fois images vidéo et photos aussi, puisqu'il m'arrive de faire du photojournalisme pour des magazines, pour Milan Presse. Mais sinon, voilà, je fais essentiellement de la vidéo. Et puis là, je me lance d'ailleurs un peu dans, on va dire, dans le cinéma, entre guillemets, avec un court-métrage plus classique de fiction, mm-hmm. alors que jusqu'à présent, je faisais plutôt soit des clips, soit des vidéos d'art, soit des vidéos destinées à être projetées sur des surfaces un peu spécifiques, mm-hmm. type neige, en station de ski, ouais. ou voile de bateau. Enfin, des choses qui touchent les gens, quoi, mm-hmm. qui les amènent un peu ailleurs, qui parlent de choses un peu sérieuses, mais toujours de manière mm-hmm. poétique et puis autant que possible, on va dire, ludique, en essayant de faire sourire aussi. Donc voilà, moi j'aime bien essayer de toucher les gens avec ma poésie par l'image. Le texte, ça c'est pour d'autres choses, mais dans l'écriture d'un film, il y a toujours une intention narrative, évidemment, derrière. Voilà, donc... Toi, tu écris des textes aussi, du coup ? Oui, ouais. Oui, on écrit. Je travaille beaucoup avec Aurélie Nurier, qui vit en Norvège maintenant. Et ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble sur des projets autour de l'eau. Donc moi, je filme sous l'eau pour l'essentiel de ces projets. Et on a décidé, en fait, c'est venu tout seul à nous, d'utiliser cette matière qui est très esthétique, très, comment dire... contraignante aussi, et de transposer des scènes de la vie réelle, donc qu'on appelle nous terrestres, on aime bien dire ça, pour amener les gens et des situations de vie sous l'eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet souvent un recul et puis une sorte de pause. Du coup, ça permet une sorte de voyage aussi, quoi, onirique. Et c'est pour ça que ce sont des projets où la musique s'invite beaucoup, s'invite bien. Voilà, donc on fait ça depuis des années, dans le but souvent de sensibiliser sur l'eau d'ailleurs, parce que c'est quand même une ressource qui est fragile, qui est un peu, on va dire, au centre de plein d'enjeux diplomatiques et géopolitiques. Donc du coup, bon, nous, tranquillement, on fait vraiment notre œuvre avant tout pour essayer de toucher les gens et leur rappeler comme c'est important, quoi, cette ressource-là. Voilà, donc ça a commencé avec un projet qui s'appelle Oh là là, qui est 3 courts-métrages qu'on a projetés sur neige dans les montagnes, en se disant, bah, la neige c'est de l'eau, donc on va projeter sur de l'eau. Voilà, donc ça fait effectivement une piste de ski, peut faire écran de neige. Et c'est vrai que c'est particulièrement magnifique, c'était un rendu assez exceptionnel. On a dû un peu utiliser du mapping et du warping, parce que c'est jamais complètement lisse. Tu peux expliquer, mapping ? Alors, mapping et warping, c'est, on va dire, compenser le fait que la surface ne soit pas lisse, tout simplement. Donc, comme du mapping sur des bâtiments, mais nous, on l'a fait sur une piste de ski avec un angle particulier, etc. Bon, il y a des logiciels qui font ça très bien. Et puis après... Est-ce qu'on peut voir des traces de ce projet-là, quelque part, sur Internet ? Ouais. Alors, il y a ça sur la chaîne vidéo d'Aurélie ou sur mon site internet, lormullerfega.com. D'accord. Voilà. C'est dans le projet création Olala. E-A-U-L-A-L-A. Super. Voilà. Donc, c'est un projet qui a pas mal voyagé, qui a été soutenu par l'Europe, la région, la Fondation Neige et Glace. Je raconte encore ? Oui. Ah. Du coup, suite à ça, la Fondation m'a demandé de réaliser une espèce de film signature pour eux. Donc la Fondation Eau, Neige et Glace, c'est vise à sensibiliser sur l'eau, en particulier dans les montagnes. Donc, il y a tout un tas de... Il y a énormément de sportifs de haut niveau et de champions qui soutiennent cette fondation. Donc, j'ai eu la chance de tourner avec des personnalités assez exceptionnelles. Je ne sais pas si vous connaissez Kylian Jornet ou Tony Estanguet ou Géraldine Fasnacht. Ou même un champion qui est en train de monter en apnée, qui s'appelle Stéphane Toureau. Mmh. Voilà, vice-champion du monde avec Guillaume Néry. Et tous ces gens-là se sont retrouvés aussi dans ce projet de sensibilisation sur l'eau. Donc c'est pour la Fondation de France, en fait. Okay. Et voilà, on a fait un beau film. Pareil, c'est onirique, poétique. C'est Serge Martineau, le président de la Fondation, qui a eu l'idée de l'histoire. J'ai fait « Ok, ça me plaît », parce que je trouvais ça vraiment atypique. Sensibiliser d'une autre manière. Voilà, c'est l'histoire c'est l'histoire d'un homme qui vit sous l'eau et qui remonte le cycle de l'eau jusqu'au sommet des montagnes pour réparer le jouet d'un enfant cassé, qui est une boule à neige. Donc, il va essayer de récupérer de l'eau pure et de la neige pure. Tout ça sans dialogue. Donc, sur un travail de musique aussi assez important. Voilà, ça c'est un magnifique projet tourné dans les Alpes, sur la mer de glace. On retrouve un peu ça dans ton film, à la fois les profondeurs et les cimes. Oui, j'aimerais bien faire un projet comme ça, entre abysse et abîme, voilà, sur la traversée du miroir. Enfin, un peu quelque chose de personnel aussi sur l'individu, l'humain, où est-ce qu'il se situe par rapport à ses enjeux, ses envies de s'épanouir et en même temps parfois les obstacles de la vie, parce que parfois on aime bien s'en mettre aussi des obstacles. On dit que parfois le plus grand plaisir est derrière la limite du plus grand danger et la plus grande mise en danger. Bon, voilà, j'ai pu le voir parce que j'ai quand même travaillé avec des wingsuiters et pendant que je les filmais tranquillement avec notre drone, je les regardais sauter dans le vide et j'étais là, non, ça je le ferai pas. Eh bien, super. Et donc, du coup, la rallonge, on t'a proposé de réaliser un film. Alors voilà, la manière dont ça se passe, c'est qu'on t'a envoyé 3 minutes de son. Ouais. On t'a laissé un mois pour réaliser ton film. Alors du coup, je propose qu'on écoute ton commentaire du film. Donc on va te le passer là, direct. Hop, voilà, on a l'écran. Alors, on va essayer de vous faire écouter, chers auditeurs. On va essayer de vous faire écouter un film. Donc on va envoyer la musique du film et Laure va commenter son film en direct. Sachant que le film... si vous êtes rapide, vous pouvez le voir aussi sur internet, donc sur larallonge.franceimpro.net, larallonge.toutattaché.franceimpro.net. Donc c'est le 10e film de La Rallonge, le film de Laure Miller-Feuga. Donc je lance la musique et à mon top, à 3, vous pouvez appuyer sur le bouton play. C'est parti. Ça vaut pour toi Youssef et pour tout le monde à la maison si jamais. 1, 2, 3. Ah oui, alors ça c'est... Bon, évidemment c'est plein de symboles, cette femme enceinte dans l'eau, pour moi c'est le fœtus aussi, dans son utérus qui flotte, qui s'évade peut-être par une échelle. J'avais envie de faire des split screen parce que même si pour beaucoup ce sont des techniques on va dire un peu vieillottes, moi je trouve que ça se prête très bien à l'esthétique de l'eau. Ici, j'ai voulu mélanger les saisons, les éléments, un arbre dans l'eau, les poissons en bas, une femme au milieu. C'est un film assez introspectif, avec des scènes un peu burlesques. C'est contemplatif, la musique vraiment appelée à ça, avec des inversements d'orientation, on va dire, la surface en bas, etc. Là, on a une femme, une danseuse classique qui nage au milieu des arbres et puis qui se retrouve découpée en deux par l'image. Voilà, mais elle en est tout autant gracieuse. Bon, ça, c'est de l'impro aussi. J'ai vu un hérisson au fond de l'eau. J'attendais qu'une scène se mette en place, j'avoue. Et puis, j'avais ces petits parachutes pour jouer. Je me suis dit, mais évidemment, un hérisson en parachute. Là, il y a une notion de cycle où ça recommence. Il s'est échappé de son parachute, mais il revient. Ça, c'est pareil, c'est un split screen que j'ai voulu faire un petit peu de manière kaléidoscope. Je trouvais ça chouette parce qu'on est un peu perdu, on sent que c'est de l'eau, mais on voit pas très bien. Ouais, peut-être. Et puis il y a des corps qui surgissent, du noir en plus. Des scènes tournées de nuit. Là, j'ai fait un fondu sur deux scènes dont en fait les comédiens font la même chose, mais je les ai retournées. Symboliquement, c'est pareil, c'est atteindre quoi, quand. Puis bon, là, c'est une référence à la cosmogonie aussi, l'origine. L'individu au milieu de ses étoiles, les poissons étoiles, le ciel qui tourne, le temps qui passe. C'est aussi une référence à la création d'un manga japonais qui s'appelle Les Enfants de la Mer, où en fait tout viendrait de la mer, évidemment, puisque nos cellules sont composées, la même composition que les cellules de l'océan, en fait. Donc je fais souvent, j'aime beaucoup ce parallèle-là, où en fait on est un océan à nous tout seuls, quoi. Voilà. Super, bravo. Merci. Et donc la musique, c'était la musique de la session 9, celle que tu as reçue, improvisée par Rémi Savinien et Jérôme Laforge. C'est ça, Jérôme Laforge au clavier, qu'on a vu s'illustrer avec la fraction grossière, et qui est voilà, une formation qui a joué pendant un temps. D'ailleurs, je pense que Jérôme, il s'est mis à la vidéo maintenant. Il s'est mis à la vidéo. Ce serait intéressant qu'il participe à la rallonge en tant que vidéaste. Il est sur la liste. Il est sur la liste, super. Et Rémi Savigna, qui est guitariste et qui est notamment connu à Toulouse pour avoir monté un septet qui s'appelle Walter Sextan, qui joue d'ailleurs bientôt à l'impro, le 3 juin, il me semble, à l'impro. Ouais, super, super groupe. Et voilà, donc Rémi Savigna et Jérôme Laforge ne se connaissaient pas du tout et on les a invités en studio à jouer donc, sur le film précédent. Et du coup, voilà, c'est tout l'enjeu de ce petit jeu, du coup, de la rallonge, c'est que la musique a été jouée, a été improvisée sur un autre film, et hop, on te l'a envoyé. J'ai l'impression que c'était vraiment la musique parfaite pour ton film, c'est incroyable. Quand je l'ai découverte, j'étais là, mais je crois que je pouvais pas trouver mieux. Enfin, c'était tout de suite inspirant, c'était doux, c'était contemplatif, c'était très aquatique. Les notes de clavier, le ce qui a été choisi, quoi. Franchement, ça marche super bien, je trouve. Et du coup, j'avais l'impression d'entendre justement des gouttes d'eau. Bon, voilà. Et après, je l'ai retranscrit avec des images que je venais de tourner. C'était tout frais. On avait tourné ça vers Marseille fin août, début septembre. Et je crois que j'ai réalisé le film, je l'ai monté en octobre. Donc on était riche de tout ça, je revenais avec toutes ces images dans le cadre du court-métrage À quoi tu joues, là, qu'on est en train de mettre en place. Et on avait toutes ces scènes, soit directement pour le film, soit des essais, notamment toutes les scènes nocturnes. C'était vraiment la première fois que le laboratoire aquatique que l'on a créé depuis quelques temps s'essayait à des scènes sous-marines, parce que le but, c'est de se réunir et d'essayer des choses sous l'eau, de faire venir toutes sortes d'artistes, des musiciens, des vidéastes, des scénographes, des danseurs, ou pas d'ailleurs. Il y a aussi une ostéo, une institutrice, etc. Mais des gens qui ont vraiment une âme d'artiste, évidemment, des poètes, quoi. On va dire plutôt que ce qui nous réunit, c'est ça, c'est la poésie. Et du coup, on s'essaie à des essais, on fait des tentatives sous-marines. Et voilà, on était riches de tout ça et ça se prêtait super bien, vraiment. Yeah, super. Excellent, excellent. Eh bien super, on va passer la parole à Claire. Salut Claire. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Et bien pareil, je sais pas, est-ce que tu peux nous parler rapidement de toi? Je sais que tu fais quand même pas mal de choses. Ouais, alors moi je fais plutôt du film d'animation. Voilà, c'est un peu le domaine dans lequel je m'essaye. Et voilà, je fais à la fois des films à moi et je fais beaucoup d'ateliers aussi avec les enfants. Donc, c'est dans le cadre, par exemple, d'une semaine où on va faire un film avec une classe de 25 enfants, par exemple. Donc, l'idée, c'est de faire un film de A à Z avec eux et de les accompagner sur toutes les démarches, un peu tout le processus de création du film. Donc, écriture, fabrication des décors, bruitage... dialogue, etc. Et animation, bien sûr. Et voilà, donc je fais pas mal ça. Mmh. Et à côté, je fais aussi des projets un peu plus perso. J'ai réalisé un film en papier découpé, voilà, que j'ai terminé il y a à peu près un an. Que t'as présenté du coup Ouais, qui tourne un peu en festival. Mmh. Voilà, c'est un peu la manière de le diffuser. Mmh. Et voilà, ça me plaît de raconter des histoires. Et ça me plaît aussi de à la fois avoir les ateliers qui sont des espèces d'expériences d'une semaine comme ça, où on fait un film finalement très rapidement, alors que le processus de création d'un film d'animation est hyper lent. Et là, de faire à la fois l'autre extrême où on fait un film en une semaine, ça me plaît bien d'avoir ces deux aspects-là, quoi. Est-ce que tu as des pointeurs de tes projets, des choses qu'on peut voir sur Internet ? Alors ce film, il est pas, vu qu'il tourne en festival, il est pas accessible sur Internet. Il s'appelle L'oiseau pleureur. C'est un film qui est adapté d'un conte. Voilà, c'était un peu ma première expérience d'animation, un peu pro, on va dire. Parce qu'avant ça, j'ai fait beaucoup d'ateliers avec les enfants et j'ai bidouillé plein de choses par moi-même et tout ça. Donc c'était un peu la première expérience où allez, je me mets dans ce processus là et c'était super intéressant. Après il est pas diffusé, mais il est pas sur Internet, mais on peut voir des petites choses que je fais sur Internet. Si on tape mon nom, je pense que j'ai mon site qui apparaît. Claire Ledru. Ouais. Voilà. Super. Et on peut aussi voir le film, ta proposition pour le projet La Rallonge. Donc c'est oui. Le film numéro combien? C'est le sixième. Film ouais. Numéro 6. Voilà. Et donc, tu as choisi, pareil, de le commenter sur la base du film, de la musique, pardon, qui a ouais. Inspiré ton film. Donc, ouais, okay. Exactement. Donc, avec Jean-Baptiste Desmal au violon et Bastien Fontani à la vielle à roue, ouais. Pareil, ils ne se connaissaient pas du tout, deux instruments à cordes. Tu me donnes donc, le top. 3, 2, 1, enfin, à 3, depuis le coup, je lance le... Et je dois commenter. Je lance... Ouais, là, c'est ça. Donc, c'est le, super exercice. C'est le film numéro 6. Après, tu peux le commenter. D'accord. Tu peux oui. Aussi parler juste ouais, de ouais. La manière dont ça s'est fait pour toi. Mmh. 3, 2, 1, go. Alors, ouais, quand j'ai reçu la musique, j'ai mis pas mal de temps avant d'avoir une idée comment j'allais illustrer tout ça. Parce que c'est assez étiré en fait dans le temps, les sons, les bruits, tout ça, c'est... Moi je voyais quelque chose assez machine en fait, un peu grinçant, un peu comme ça, comme des espèces de rouages, de machines. Et du coup j'ai choisi un peu de... Alors c'est de l'animation, c'est vraiment noir et blanc, c'est assez simple, assez épuré. Et avec le principe de boucle, en fait, d'animation. C'était aussi une manière pour moi, faire un film en 3 minutes, de 3 minutes en un mois, c'est quand même un challenge. Du coup, je me suis imposé un peu ces contraintes, mais ce qui m'a permis de créer un peu un univers avec des formes, une matière qui vibre aussi. C'est que des dessins sur papier. Un peu de peinture, tout ça. Et voilà, j'essayais vraiment de me caler sur le son, de trouver des formes qui bougent en fonction... voilà, c'est pas du tout réaliste, c'est des formes dans l'espace qui communiquent, qui interagissent. C'est bien si vous pouvez le voir à ce moment-là, parce que c'est facile de décrire. Ouais, enfin voilà, comme c'est que des formes abstraites, des formes très simples. En noir et blanc. Noir et blanc. C'est gratuit, c'est Ça colle à la ligne. Ça colle, voilà. C'est vraiment avec ça que je me suis amusée, quoi. Essayer de repérer un peu toutes les subtilités sonores, ce que ça pouvait inspirer juste en tant que code un peu graphique, d'étirement, de, que ça tourne, que ça se répète, que ça grossisse, que ça... Combien de temps ça t'a pris Ça m'a pris... disons que j'ai réfléchi pendant facile une semaine en faisant des petits tests de dessin, des petites choses. Puis après, en deux semaines, je l'ai fait entre eux, voilà. Du coup, le processus était un peu... j'ai dessiné des petites boucles d'animation, mais sur des carrés de papier, je sais pas moi, de 5 cm sur 5. Des petites boucles de 12 images qu'ensuite j'ai scannées. Et je me suis amusée à faire un montage avec ça, avec le son, voilà. Essayer d'associer des formes au son et des mouvements, voilà. C'était, je me suis bien amusée là-dedans, quoi. Et du coup, est-ce que t'as dû peut-être écouter, du coup, la musique a été jouée sur ton film ? Comment ? La musique a été jouée sur ton film, du coup, enfin, comment tu l'as apprécié ? Enfin, peut-être que tu l'as pas écouté, je sais pas. La musique après ? Ouais. Si, j'ai écouté, c'était la voix. Voix, ouais. Ouais. Et violoncelle. Ouais, je sais pas. Moi, je proposerais qu'on écoute ce morceau. Ouais. Juste comme ça, par curiosité, j'aurais bien voulu le faire aussi sur ton film. Et donc, du coup, c'est la session qui s'appelle la session 6, Mélanie Fossier, Xavier Pacteau. Xavier Pacteau, qui est violoncelliste, qui gère des chœurs aussi, qui a une approche très didactique avec ses élèves. Et Mélanie Fossier, qui est pareil, assez connue aussi à Toulouse, qui est chanteuse, vocaliste, qui joue avec Sans Item. Beresco, ouais. Voilà, moi, si vous nous écoutez, bonjour Mélanie, bonjour Xavier, et peut-être qu'on peut écouter ce morceau-là parce que c'est la musique qui a été jouée du coup sur ton film, et puis on peut peut-être remettre le film, ça va nous permettre de voir un peu la différence de traitement de ces images. Donc, 3, 2, 1, go. Là, d'emblée, on est ailleurs. Complètement, oui. Et en même temps, ça devait pas être évident pour le son, comme c'est des images, assez abstraites. Alors, en studio, faut imaginer, deux personnes qui n'ont jamais joué ensemble, voire qui ne se connaissent pas, et donc voilà, ce même écran devant eux, et puis, faut y aller. On s'autorise 3 ou 4 prises maximum. Et souvent, c'est la première qui est prise, en fait, parce qu'elle est spontanée. Elle est c'est ça. Mais alors, souvent, au bout de la première prise, il y a cette volonté, il y a cette demande quand même d'en enregistrer une autre, parce qu'on s'est pris un peu au jeu, parce qu'on a capté un peu plus le rythme du film. La matière qui vibre un peu tout le temps derrière. Moi, c'est un truc qui me plaisait aussi de faire dans le premier son, que je trouvais qu'il y avait toujours un espèce de un peu derrière, un fond sonore toujours un peu grésillant. Un peu. Ça, c'est le rôle engendré par la vieille la roue. Ouais. Qui En même temps, là, sur ce son-là aussi, ça marche bien. Ça, c'est super, les petites bulles qui éclatent avec le son de la voix qui vibre. Ouais. Ça marche bien. Ouais. Donc vous êtes chaudement invité à aller rejoindre ce site internet, larallonge.franceinfo.net. Et tous les films, toutes les musiques sont disponibles. Il y a plein de modes de lecture, c'est ultra intéressant. Et il y a un autre nom qui apparaît, Armel. Oui. Du coup, c'était une collaboration. Ouais. Voilà, on était tous les deux. Après, c'était, il était en regard un peu. Il m'a un peu aidé aussi à faire les dessins. Il s'est amusé à faire quelques boucles de dessins. Yes. Et voilà, c'était chouette aussi d'être... accompagné. Ouais. Super. Bon, bah tout de suite, le jingle de mi-émission, on y est. Ça peut faire jingle aussi. Vous êtes sur France Impro. Pour émission de radio. Et ben ouais, voilà, vous êtes toujours sur France Impro et on parle de La Rallonge, ce projet qui fête ses 3 ans. Et alors du coup, on en est à peu près à 60 artistes qui ont contribué, soit par de la musique, soit par du cinéma, soit par de la danse, Alice. Oui. Waouh, super, c'est une nouvelle aventure. Oui. Du coup, ça faisait quoi? Peut-être quelques mois qu'on commençait à en parler, qu'on se disait que ce serait pas mal d'aller sur d'autres médias maintenant qu'on a... On a commencé un peu cette dynamique-là et on s'est dit, bah tiens, toi tu es danseuse, Alice. Oui, alors voilà, là, c'est vrai que la musique et l'image, on a vu que ça, enfin, on le voit, on le sent, ça résonne, ça pétille, ça, voilà. Mmh. Et avec la danse, c'est vrai que y avait le désir, enfin, de se faire croiser, rencontrer la musique et la danse. Sachant que voilà, la danse a sa propre musicalité, peut inspirer aussi la musique, que ça peut devenir un partenaire, comme un couple. Mmh. Voilà, on s'entend, on va contre, voilà, y a une confrontation aussi, une tension. Voilà. Ok. Toi, tu es danseuse, tu danses, tu pratiques la danse. Moi, je préfère dire que je suis... un être dansant, en fait. Parce que j'ose pas dire que je suis danseuse, c'est pas un métier. C'est plus une sensibilité, un état d'être. C'est une façon pour moi d'être au monde. Ça rejoint la poésie. Ça rejoint ce qui vibre... en permanence, là dans la voix, les cordes vocales qui tremblent un petit peu, voilà, dans le ventre, les sensations. Et c'est une façon aussi de dire sans parler. Pour moi, le mouvement dansé, c'est vrai que ça rejoint des choses plus archaïques, plus régressives aussi. Et en même temps, qui peuvent voilà, aller dans les abîmes, les abysses. Tu as des terrains plus privilégiés que d'autres au niveau de la danse, enfin, je sais, par exemple, si tu fais de la danse contact, enfin, quand tu as le temps. Enfin, la notion de performance est quelque chose qui est aussi un peu prégnant. Quoi. Alors moi, c'est plutôt par l'exploration et l'improvisation. In situ également. Donc j'aime beaucoup danser dans la nature. Ou dans des galeries d'art contemporain ou... en fait, je danse aussi là où on m'invite. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc ça peut être à différents endroits. Voilà, la danse contact, oui. Y a un lieu à Toulouse, c'est à Fontaine-l'Instinct, à la Jam. Voilà, avec la rencontre qui peut se passer aussi avec les musiciens. Alors, qu'est-ce que c'est la danse contact? Alors, c'est un échange vraiment. Donc, y a le peau à peau avec le corps de l'autre. Y a les portées, il y a le contact aussi, sans le contact physique, mais par le regard, par l'espace entre deux. Voilà. Après, c'est une danse qui a été développée par Steve Paxton, qui, je crois, était également... j'ai peur de dire des bêtises, c'est à la radio. voilà, enfin, en tout cas, qui a mêlé la danse, la poésie, et, mais aussi la gymnastique, les transferts de poids. Voilà, après, pour moi, en fait, la danse, elle est pas forcément, enfin, il n'y a pas besoin de dire danse contact, en fait. C'est vrai que j'aime la pratiquer au cours d'ateliers de recherche, en fait, de recherche d'écriture. Comme en fait, dans l'écriture, on va chercher, improviser, voilà, des. Enfin, on va laisser une écriture spontanée, en fait, et il y a quelque chose qui va à un moment faire sens. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Quand à un moment donné, le mouvement se lit et se fait sens. C'est-à-dire que ça peut partir de rien, de quelque chose même plutôt chaotique, et puis tout d'un coup, ça se dessine. Et puis, voilà, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Les silences aussi. Ok. Donc toi, tu te proposes, du coup, par rapport à la rallonge, de faire un travail de mise en relation de danseurs, du coup, entre eux. Et donc, du coup, tu nous as proposé de faire danser Floriane. Oui. Floriane, que tu as rencontré, pareil, j'imagine, dans des sessions de danse. Oui, voilà. Là, la danse contact. En danse contact. Ok. Et donc, l'idée, c'est de proposer à Floriane, ou qu'elle propose un endroit à Toulouse, ou dans les environs, l'Alcaïchan, donc on est à EDF Bazac. Oui, alors à Floriane, en fait même pour les autres danseurs, je propose soit de choisir son lieu, soit peut-être de choisir un lieu, mais de faire le choix que ça ne sera pas celui-ci et que ça sera celui choisi par quelqu'un d'autre. Voilà, ou de se remettre vraiment au hasard. Enfin, je trouve ça intéressant de voir déjà ce rapport à l'espace. Ce qui est intéressant, du coup, bon, peut-être on peut expliquer vite fait comment ça s'est passé. Donc, Floriane, ou toi, je ne sais plus, a choisi la musique numéro 10, qui était signée par Pierre Théris et Clémence Lagier, donc contrebasse et voix. Et du coup voilà, Floriane a un casque dans les oreilles. Et ce qui est super intéressant, c'est que la captation, elle est assurée par Virginie Fressé, qui est elle-même danseuse, qui est caméraman et danseuse. Donc du coup, finalement, enfin, dans le film du coup, qu'on va commenter ensemble, on sent aussi un mouvement de la caméra, quoi. On sent le mouvement du corps qui est en symbiose avec la performance. Ouais. Ça s'est fait en une prise. Hein, c'est ça, oui. Yes, donc ça dure 3 minutes. C'est la session numéro 10. Voilà, c'est la musique de la session numéro 10. Par contre, ce film-là n'est pas encore en ligne. Ça arrive mais tout ça vite. Va arriver très rapidement, n'est-ce pas, Youssef? Et donc je lance. Alors oui, donc il faut imaginer que la rallonge jusqu'ici c'était une rallonge toute simple, c'est-à-dire un fil tout droit avec un film, une musique. Et là nous avons une branche qui apparaît à partir de la musique numéro 10 qui donne la première rallonge dansée. Donc le futur là, ça va être pendant quelques temps, si j'ai bien compris, Yous, c'est de continuer sur cette branche là. C'est ça. On va essayer de produire. Des sessions de musique et de danse, et au moins, je sais pas, au moins 5 ou 6, donc ça va nous prendre, je pense, 7 à 8 mois, quoi, le temps d'y arriver, et de faire apparaître ces deux branches, en fait, et de continuer à discourir. Et y a sûrement une autre rallonge qui va apparaître dans pas très longtemps. Je garde un peu l'info secrète et on verra après. Voilà, donc, sachant que toutes les possibilités sont ouvertes, une rallonge séparée, la rallonge aujourd'hui qui va commencer à ressembler à un arbre, et un arbre qui pourrait s'étoffer avec plein de branches. Il y a plein de possibilités. Donc, le projet reste très ouvert et ne correspond pas forcément à ce qu'on a pu imaginer au départ. Ça prend forme et ça prend bien forme. Donc c'est parti, je lance la musique numéro 10. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est fait in situ et c'est en public. Voilà, donc on voit des gens passer derrière. Floriane est lumineuse. Je lui avais proposé de s'habiller dans un vêtement où elle se sente libre et, mmh. et belle. Mmh. Donc elle est jaune et elle a un turban orange sur la tête qui résonne étrangement avec le panneau orange derrière voilà, de l'espace Balzac. On a la vue sur l'Hôtel Dieu. Et donc on suit cette torsade dans le corps de Floriane avec la caméra, avec Virginie qui l'accompagne. Elle avait quoi comme équipement vidéo justement pour pouvoir suivre le corps? Elle regarde dans le viseur. Ouais. Dans le viseur, caméra. Pas de steadicam. Non, là je te posais la question pour la prochaine de d'assurer ça. Parce que du coup tu peux plus lancer. Mmh. Mais moi je trouve ça marche super bien. Super bien. Y a pas besoin. Mais ça c'est quand t'es vraiment en lien avec le corps du film. Y a pas d'hésitation. Je trouve t'es dedans et du coup y a pas d'un coup. Voilà, c'est vrai que le fait que Virginie danse également, elle l'accompagne, on sent que ça devient presque une danse à deux. Et on tourne avec Floriane et, en tant que spectateur. Et... Je trouve super que la rallonge s'invite dans des lieux publics. C'est super, ouais. On est dans le spectacle vivant. Du coup, on donne à partager aussi, c'est génial. Complètement, complètement. On sort des studios et de nos stations de montage. C'est ça. Ouais, l'espace public. Ouais. Il faut l'envahir un peu. Ah, faut y aller. Hop. C'est beau ça. Là, il y a un gros plan sur le visage. Ça me fait rire parce que c'est la musique qui a été faite à partir de mes images. Exact. Donc, c'est ça. C'est drôle de voir en version dansée. Du coup. Et voilà, une suspension et la fin. Suspension et ça s'arrête. Super expérience. C'était très chouette à vivre et à voir. Et oui. On va être bien content de. Donc du coup, voilà, la prochaine session, c'est jeudi prochain. On retourne en studio avec Tristan, j'ai oublié son nom de famille, un guitariste assez connu à Toulouse, qui joue notamment avec le Baron de Vincèze. Tristan, son nom de famille, oui. Tu l'as peut-être. Je me rappelle plus. Okay. Et Walking Rodriguez, trompettiste, pareil. Bon, voilà, quand je parle. De ces musiques-là, on est dans un réseau plus ou moins de musique improvisée, alternative. Il y a plein de mots qui peuvent y aller. Et voilà, donc ces deux musiciens n'ont jamais joué ensemble. Ils se connaissent un peu, voilà, mais ils n'ont jamais joué ensemble. Et ils vont jouer du coup sur cette danse. Et donc du coup, moi jeudi prochain, Alice, je t'envoie 3 minutes de son. Et youpla boum, c'est reparti pour une autre session. C'est super. Super. D'autant qu'il y a beaucoup de danseurs qui sont sur la liste. Voilà, hommes, femmes. Ben, 40 danseurs, là, faut arrêter là. Donc il n'y a plus de pub. Ou alors, il faut vraiment qu'on aille voir nos amis de la DRAC et de toutes ces instances qui pourraient peut-être faire un petit geste pour nous, des fondations. Mais... Voilà. C'est vrai que 3 minutes, c'est un format génial aussi pour la danse. Quoi. C'est, ça permet vraiment de laisser se déployer quelque chose, un mouvement. Et voilà. Bah pour le cinéma aussi, j'ai l'impression que c'était le format des pellicules Super 8. On n'a pas fait exprès de choisir ces 3 minutes-là, mais on s'en est rendu compte ensuite. Et on s'est dit, waouh, super, ça marche. C'est un format qui permet tout de même de rentrer, de développer, de proposer un sujet. Et en improvisation, en studio, c'est pareil, quoi. Il y a cette sensation au début que les musiciens décrivent de oh, c'est très rapide et finalement en fait non, pas tant que ça. 3 minutes, ça quand même, voilà. Et c'est du radio édite, hein, la radio connaît bien ce format. On peut rappeler le petit slogan de la rallonge, c'est 3 minutes pour une correspondance exquise. C'est ça, c'est une petite référence au cadavre exquis, quoi. C'est vrai qu'on dit que l'attention portée à une vidéo, par exemple sur Internet ou quoi, c'est 2 minutes 40, 50, donc c'est quasiment les 3 minutes. Bah. Et parce que 2 minutes 40, 50 pour une correspondance exquise, ça sonnait moins bien. Donc moins bien. C'est ça. 3 minutes, troisième œil. Salut Sarah. Salut. Coucou. Et bien voilà Sarah, pareil quoi. Alors du coup Sarah... a un rôle dans la rallonge qui est assez neuf. Et on s'est pareil, on a un peu parlé, et puis il y a un truc qui est arrivé en fait qui est attelant à en fait une des fonctions sur le site qui apparaît sur le site internet qui s'appelle la fonction sélection. Et donc du coup, comme toutes les productions sont formatées à 3 minutes pile, l'idée, c'était de proposer en fait aux internautes de choisir la musique qu'ils veulent, enfin le film et la musique en fait. Donc il est possible de regarder n'importe quel film avec n'importe quelle musique. Et pour les indécis, l'ordinateur peut générer ce choix. Et donc du coup, on s'est dit avec Sarah, parce que toi Sarah, moi j'ai lu quelques chroniques de toi un peu avant et je me dis waouh, quelle plume quoi. Donc il y a un vrai intérêt pour la musique et pour l'écriture. Et on s'est dit tiens, peut-être que tu pourrais signer ta petite ligne éditoriale et qui serait liée en fait du coup à un choix que tu as fait de musique et de film quoi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. Alors ce que pour le moment, j'ai écrit donc deux chroniques pour la rallonge. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une vidéo et une bande son qui n'ont pas été liées, créées en lien en fait, et que j'ai assemblées. J'essaye de trouver des combinaisons qui me paraissent vraiment fonctionner ensemble, sans chercher non plus trop dans la profondeur. J'essaye de trouver un film, une musique et de me dire waouh, là je pense qu'il y a quelque chose. Et ensuite j'essaye de faire une analyse audiovisuelle en fait, et de la rédiger. La première que j'ai faite était assez courte et j'ai apporté un petit peu de narration dedans. Ça, je la trouvais assez soft, assez classique. Sur la deuxième, j'ai plus raisonné par une forme avec des thématiques qui évolue pour moi dans cette vidéo sonore. Et ce que je trouve super intéressant, du coup, c'est de créer des liens de cause à effet, quelque part où en fait il n'y en a jamais eu. Et de trouver des explications et de la cohérence, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Et ça, je trouve que ça c'est... Enfin, je cherche des figuralismes. Je trouve que c'est une manière de créer des mondes, de faire des liens. Correspondance. Voilà, de faire des correspondances, c'est apporter une nouvelle dimension, et ça me fait très plaisir. Toi, tu es chanteuse, musicienne, improvisatrice également. Oui. Tu peux nous parler un peu rapidement de ton parcours, un peu ce que tu veux, un peu tes intérêts pour ces arts et... Alors, je suis chanteuse depuis assez longtemps. J'ai été dans diverses esthétiques, autant dans la chanson que dans le chant lyrique, dans le jazz. Et assez récemment, depuis 2-3 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'improvisation libre, notamment grâce à Christine Vodrashka. J'ai pu participer à la représentation de INSEE de Terry Riley, ce qui m'a vraiment donner le goût pour les musiques plus contemporaines. Et très vite, du coup, je me suis orientée dans les musiques plutôt alternatives, expérimentales et improvisées. Et j'ai monté récemment, du coup, mon collectif qui s'appelle Baraka Free, où on est 12 improvisateurs. Et on se donne un espace de création et de liberté. Et on travaille, à la base, le projet était de travailler autour de partitions graphiques, mais ça s'est développé maintenant. En fait, on travaille à partir de n'importe quel projet d'œuvre de membres du collectif. Donc, en fait, parallèlement, j'ai commencé à faire de la recherche en musicologie et du coup, à étudier les partitions graphiques, à étudier les nouveaux rapports de pouvoir qui sont plus déconstruits, en fait, qu'amène le graphisme dans la notation, enfin l'usage du graphisme en tant que notation, le fait de sortir des codes conventionnels et de sortir d'un une limite en fait, un petit conditionnement, puisque ce qu'on utilise, notre langage en fait, nous forme déjà notre pensée, et de passer par le graphisme et des notations alternatives. Je m'intéresse à tous les nouveaux rapports de responsabilité compositionnelle, ce que ça implique socialement et au statut de ces œuvres-là, à beaucoup de questions comme ça. Je pense qu'il y en aurait pour longtemps à développer plus en profondeur. Il faut que tu reviennes à la France Impro et largement le temps de... Voilà. Est-ce que tu peux nous proposer quelques pointeurs sur Internet pour creuser? Il y a des choses, la baraque à Free par exemple, il y a des traces sur Internet? Alors la baraque à Free, on a seulement une page Facebook pour le moment. Notre photo de profil est un superbe dromadaire, donc vous ne pouvez pas vous tromper, mais vous pourrez être tenu à l'actualité de ce qu'on fait. Et sinon, vous pouvez trouver mes écrits sur ma page Medium. Voilà. Super. la lecture de ta combinaison, t'en as choisi une? Oui, je vais lire la première que j'ai écrite. D'accord. Alors du coup, c'était... Film 4 de FIVO, ouais. De et film. La musique, c'est celle qu'on a entendue à l'ouverture. Eh bien, cool, c'est reparti. Avec Jean-Pierre Vivant à la batterie, Marc Desmoreaux au synthé. Et donc, du coup, c'est un film de FIVO. Alors, du coup, le temps que je retrouve le film. Moi, j'ai les doigts sur la musique. Donc, un texte de Sarah Brault. Brault, B-R-A-U-L-T, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc, cherchez et trouvez Sarah Brault sur Internet. Clac. Prêt? 3, 2, 1, go. Le premier son ressemble à un souffle. Il a quelque chose du vent. La première image des bougies allumées, le souffle éteint les bougies, à la seconde numéro 2, l'image est plongée dans le noir. À volume faible, un ostinato rythmique s'installe. Il n'est pas sans rappeler le son d'une locomotive, plus largement celui de la ville. Le synthétiseur laisse résonner des harmoniques qui viennent étoffer le tapis sonore créé par l'ostinato. Elles apportent à la vidéo un aspect sensible et délicat, annonciateur de la relation étrange entre Roof et Top. Peu à peu, la musique, la ville se réveille, l'image s'éclaircit. Dans cet univers urbain, une cheminée fumante apparaît au loin. Le synthétiseur fait entendre des motifs distordus, cassés, électriques peut-on dire, qui collent à l'image vue par la caméra tremblante. Leur passion commune pour les rêves. Au moment où cette phrase apparaît, un son retentit. C'est une note tenue, jouée au synthé, qui se rajoute à la matière présente. Elle se rajoute à ce qui est déjà là. Voilà un joli figuralisme du rêve, quelque chose de plus qui élargit la réalité, y apporte une autre dimension. L'univers de cette combinaison est tout à fait singulier, alliant rêve, liberté, peur, richesse et pauvreté. Pendant qu'un texte nous rapporte l'histoire de Roof et Top et que les images défilent, en arrière-plan, la musique est de plus en plus puissante, le rythme s'accélère, le synthé appuie l'atmosphère avec de longues notes dissonantes. Tout cela rajoute de l'émotion et de la tension, alimente une ambiance spéciale. Voici l'illustration de la relation insaisissable et de l'invitation au voyage excitante et effrayante. Folie. Liberté. 1 minute 27. Autour des fils électriques. Les couleurs de la nuit changent en rythme avec le motif répété au synthé. Le train avance avec les câbles et tous ces câbles sont autant de lignes droites qui segmentent l'image depuis le début de la vidéo. Tout avance dans l'urbanisation, tout vit, comme si chaque chose faisait fonctionner la machine, l'industrie. La musique nous transporte dans cette dynamique avec un ostinato mélodique discret et une batterie au rythme entraînant. La route défile très vite, il y a des lumières dans le ciel, mais rien n'est percevable. Ils partent, mais ils partent où? Tout reste flou, emmêlé comme les mélodies du synthé, et la batterie joue de plus en plus fort. Voyage, fuite, peur, liberté, vide, plénitude, grandeur et petitesse, vivant. Autant de paradoxes reflètent cette combinaison. Top n'a pas écouté, il se retrouve seul face à sa peur. Le synthé lance alors un accord porteur de tension qui pourrait symboliser l'angoisse de Top. Des trains dans la ville, Top a peur des trains. Une chaise vide, Top est tout seul, et il y a cet accord angoissant qui prend toute la place. Des trains, des voitures, tout s'arrête. Cette combinaison marche particulièrement bien, ne serait-ce que par la coordination entre le son et l'image tout au long de la vidéo. Une progression de départ commune, un arrêt simultané, une énergie partagée. Dans l'image, tout se passe vite, tout est rapide, tout est urbain. Dans la musique, tout accélère, la tension augmente. Ces deux instruments figurent les sons de la ville, le timbre électronique du synthétiseur réfère au progrès industriel, à l'urbanisation. La batterie renvoie au bruit de l'usine. Tout cela reste dans une atmosphère sensible qui s'accorde bien à l'histoire contée par le texte. Bravo. Super. Merci. Super choix et super texte. Hein. Vraiment, c'est y a vraiment les deux. C'est deux travaux différents. Enfin, pour moi, quasiment, tu vois, ça pourrait être fait par deux personnes différentes. Et là, c'est ouais. Belle. Et ben, on a hâte des prochaines. Du coup, ces combinaisons, on peut les retrouver du coup sur le site internet de La Rallonge et aussi sur la page Facebook La Rallonge. Je sais pas comment ça se trouve, La Rallonge Toulouse, peut-être. Je crois qu'il y a d'autres Rallonges. Il y a un restaurant qui s'appelle Rallonge. Il y a un groupe de musique aussi en Bretagne. Et bien chouette, on n'est pas loin, on n'est pas loin. L'heure est passée super vite. Voilà. Et je ne sais pas s'il y avait des petites annonces à faire ou pas. Non, on pourrait, mais ça va nous prendre un peu trop de temps, donc c'est pas grave. C'est plus important de rester entre nous là. Si vous voulez, on peut finir avec un morceau. Ouais, moi je pensais à un morceau en fait qui est, c'est la première fois qu'on a envoyé un film. Ailleurs en fait, parce que toutes les musiques ont été enregistrées grâce à l'aide précieuse de Bertrand Fraisse à Lieu Commun. Je voulais aussi préciser que c'est un projet qui coûte 0 €. Hein, tout le monde fait ça bénévolement. Moi je trouve ça vraiment fantastique. Hein, on est complètement libre et indépendant. Et c'est un projet qui appartient à tout le monde. On fait ce qu'on veut. Oui, puis ça crée de nouveaux projets, ça fait des bébés, c'est ça. C'est ça. J'ai reçu un coup de fil. Bonjour, je suis Clémence. J'ai posé ma voix sur tes images, elles me plaisent. J'aimerais qu'on se rencontre. Pas mettre de la vidéo sur nos concerts. Enfin, c'est super. Excellent, quoi. Excellent. Génial. Ben voilà, si ça peut générer ça. Et je précise que tous les artistes ont une page biographique, photographique et biographique, qui permet ensuite de faire, d'assurer une promotion et voilà, ça permet de soutenir un peu la scène locale et puis les talents. Et donc du coup pour la 20e session, et on s'est mis en vacances avec Bertrand, et du coup on a envoyé un film à Istanbul, et il y a deux musiciens qui ont signé une BO mais que je trouve vraiment magnifique. Alors c'est la 20e, et alors du coup je sais pas si de mémoire je vais réussir à retenir les prénoms des deux gars. Omer Sarijedik et Faki, je sais plus. Je l'ai. Là. Et donc celle-ci est en ligne par contre. Elle est disponible sur le site France Impro, larallonge.franceimpro.net. Voilà, c'est parti. On va se quitter là-dessus. Bah, merci. Merci Sarah, merci Alice, merci Claire, merci Laure, Jean-Michel, Dominique. C'est une émission consacrée à La Rallonge. Peut-être on peut repréciser l'adresse du site internet. larallonge.franceimpro.net. Voilà, et si vous voulez y participer, il y a une page contact. N'hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de vos retours. À bientôt. À bientôt.